Comme des Legos encastrés, ne faire qu'un main dans la main, sur le même chemin. Et là où le respect des miens, des tiens, sera la force de demain. C'est le devoir de chacun, se soutenir, entraider son prochain, préserver l'avenir des enfants de demain. Nous sommes tous dans le même bain. Pourquoi la vie si difficile? Elle me paraît pas si compliquée. Ensemble à l'unité, pourquoi la rendre compliquée? La vie pourrait être si facile, ça me paraît pas difficile. Oui, ensemble à l'unité. Pour l'homme, les mecs, dites-moi que fait l'homme. Nous avons des qualités, on a aussi des lacunes, mais il n'y en aurait aucune si on mélangeait nos talents. C'est important, c'est important. Il faut penser à demain, main dans la main, même si de plus en plus ceci se fait de moins en moins. Il faut penser à demain, main dans la main, main dans la main. Pourquoi la vie si difficile? Elle me paraît pas si compliquée. Ensemble à l'unité, pourquoi la rendre compliquée? La vie pourrait être si facile, ça me paraît pas difficile. Oui, ensemble à l'unité, ensemble à l'unité, ensemble à l'unité. C'est un travail de longue haleine, de longue haleine. Oui, mais l'enjeu en vaut la peine. C'est un travail de longue, longue, longue, longue, longue haleine. Pourquoi la vie si difficile? Ça me paraît pas si compliqué, pas si compliqué, pas si compliqué. Pourquoi la vie si difficile? Elle me paraît pas si compliquée. Elle pourrait être si facile. Ensemble à l'unité, pourquoi la rendre compliquée? La vie pourrait être si facile, ça me paraît pas difficile. C'est un travail de longue, longue, longue haleine. Oui, mais l'enjeu en vaut la peine. C'est un travail de longue, longue, longue, longue, longue haleine. De longue, longue, longue, longue, longue, longue haleine. Oui, mais l'enjeu en vaut la peine. Si compliqué, elle pourrait être si facile. Ensemble à l'unité, pourquoi la rendre compliquée? La vie pourrait être si facile, ça me paraît pas difficile.